Chapitre 2e. L'installation, les meubles, les bibelots, l'auction. Sur le principe anglais, à Saïgon, comme partout ailleurs, le premier soin doit être de s'installer confortablement. Aussi bien, dès les premiers jours, faut-il multiplier les courses et en finir avec les ennuis de la recherche d'une case et de son aménagement. Enfin, après d'interminables promenades en petites voitures malabar à travers le vaste jardin qui constitue la ville, on arrête son choix sur une telle habitation bien exposée aux moussons rafraîchissantes ou sur telle autre mieux garantie du soleil, mieux ombragée. Les rapports de bailleur à locataire sont fort simples, pas de baux, pas de complications, les loyers sont à prix fixe, tant de piastres par mois. Les meubles s'achètent de préférence à la salle des ventes, à l'auction, pour employer le mot usité, d'importation britannique. Dans ces salles de vente se fait en quelque sorte la remise du mobilier de ceux qui partent à ceux qui arrivent. Un commissaire-priseur préside au contrat et prélève un léger courtage. Cet intermédiaire, qui n'est pas simplement gracieux, est cependant fort appréciable dans une ville où la population de fonctionnaires est très flottante. Les uns rentrent en France jouir d'un congé, d'autres prennent une nouvelle destination, d'autres au contraire viennent s'installer. Il est aussi nécessaire pour les uns de réaliser rapidement leur mobilier qu'il est indispensable pour les autres de se meubler vite. Tout ce qu'on peut imaginer passe par les auctions. Chevaux et voitures, bahuts incrustés de nacre et d'ivoire, bronze japonais de toute valeur, vieilles porcelaines chinoises, satsuma, cloisonnées, soieries du Tonkin, etc. sont disputés chaque dimanche à coups d'enchères. Ce tournoi est très en faveur. Les mondaines de Saïgon viennent discuter bibelots et chinoiseries avec plus de grâce que de science. Et que voulez-vous, à ce jeu-là, les plus forts se trompent et sont trompés. Les porcelaines ont naturellement tous les honneurs. C'est la Chine, on le sait, qui met chez nous la porcelaine à la mode. Au XVIIe siècle, les jésuites envoyaient déjà en Europe d'admirables spécimens de la céramique chinoise, et le vieux Japon donna naissance aux porcelaines de Chantilly. Ceux que le luxe du mobilier ne tente pas délaissent l'auction et se fournissent tout simplement chez les menuisiers et les vanniers chinois, qui ont un assortiment complet de meubles très suffisants en bambou, en rotin ou en bois léger. Mais si l'on est nouveau dans la carrière des voyages en Chine, il est prudent de prier un ami de servir de drogman auprès de ses fils du ciel, qui ne craignent jamais de profiter de l'ignorance des Occidentaux. Comme ils dédaignent de parler français, et qu'en général nous savons peu de chinois, d'un commun accord, on s'est arrêté à une langue de convention, on parle nègre. Moi, vouloir ça. Mais ne croyez pas que ce soit toujours aussi simple. Il y a une multitude d'expressions bizarres auxquelles on se fait d'ailleurs rapidement, mais qu'il est presque indispensable de connaître pour débattre convenablement un marché avec ses trop habiles commerçants, comme pour comprendre les boyanamites employés à notre service et se faire comprendre d'eux. Le couteau coupé poil la gueule, c'est un rasoir. Quelle heure y en a, c'est la montre, etc. Y en a l'auxir, camarade, ça combien coûter ? N'indique pas grand-chose à un récent débarqué. Il faut un apprentissage relatif pour comprendre que l'on vous prie, si vous n'avez pas entière confiance, de vous renseigner chez un concurrent tout aussi chinois et tout aussi voleur que le marchand à qui vous en avez. Dès que le marché est conclu, une armée de coolies en ménageurs, toujours à l'affût des installations, entasse sur des charrettes à bras, lits, chaises longues, armoires, matelas, etc. Voilà un mobilier parfait pour 25 piastres, à peine 100 francs. Les coolies ont rapidement fait l'emménagement. Ils connaissent un peu toutes les cases et mettent, sans avoir besoin d'aucun conseil, les meubles à la bonne place. Une dernière course pour joindre quelques accessoires à ce sommaire ameublement colonial et l'installation est terminée. Il ne reste plus qu'à suspendre sous la véranda, au seuil de la maison, la lanterne qui brûle toute la nuit à la mode chinoise. Rien n'est gai comme ces innombrables petits phares brillant dans le sommeil des jardins. Aussi, une case inhabitée est-elle un mauvais voisinage, tant paraît triste l'absence de cette traditionnelle veilleuse.